incertitude. Sous le ciel immense d'or, un champ de blé. Les gosses et les chiens jouent plus tard. Ça sent le bonheur, une odeur de terre brûlée. C'est l'endroit rêvé où poser mon sac et souffler. J'attends une histoire, juste un pas qui résonne. La force de...